barbu, couvert de haillons, et se traînant avec peine en s'appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de feu dans la cuisse. Cet homme était un bandit, qui étant parti de nuit pour aller chercher de la poudre à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corses. Après une vigoureuse défense, il était parvenu à faire sa retraite, vivement poursuivi et tiraillant de rocher en rocher. Mais il avait peu d'avance sur les soldats, et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Il s'approcha de Fortunato et lui dit « Tu es le fils de Matteo Falcone ?»« Oui. Moi, je suis Gianetto San Piero. Je suis poursuivi par les collets jaunes. Cache-moi, car je ne puis aller plus loin. » »« Et que dira mon père si je te cache sans sa permission ?»« Il dira que tu as bien fait. Qui sait ?»« Cache-moi vite, ils viennent. Attends que mon père soit revenu. » « Que j'attende, malédiction, ils sont ici dans 5 minutes. Allons, cache-moi ou je te tue. » Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid. « Ton fusil est déchargé, il n'y a plus de cartouches dans ta carcera. J'ai mon stylet. Mais courras-tu aussi vite que moi ?» Il fit un saut et se mit hors d'atteinte. « Tu n'es pas le fils de Matteo Falcone. Me laisseras-tu donc arrêter devant ta maison ?» L'enfant parut touché. « Que me donneras-tu si je te cache ? » dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture, et il en tira une pièce de 5 francs qu'il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit à Gianetto « Ne crains rien ». Aussitôt il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Gianetto s'y blottit, et l'enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer, sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un homme. Il s'avisa, de plus, d'une finesse de sauvage assez ingénieuse. Il alla prendre une chatte et ses petits, et les établit sur le tas de foin pour faire croire qu'il n'avait pas été remué depuis peu. Ensuite, remarquant des traces de sang sur le sentier près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin, et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Quelques minutes après, 6 hommes en uniforme brun à collet jaune et commandés par un adjudant était devant la porte de Matteo. Cet adjudant était quelque peu parent de Falcone. On sait qu'en Corse, on suit les degrés de parenté beaucoup plus loin qu'ailleurs. Il se nommait Teodoro Gamba. C'était un homme actif, fort redouté des bandits dont il avait déjà traqué plusieurs. « Bonjour, petit cousin, » dit-il à Fortunato en l'abordant. « Comme te voilà grandi. As-tu vu passer un homme tout à l'heure ?»« Oh, je ne suis pas encore si grand que vous, mon cousin, » répondit l'enfant d'un air niais. « Cela viendra. »« Mais n'as-tu pas vu passer un homme, dis-moi ?»« Si j'ai vu passer un homme. »« Oui, un homme avec un bonnet pointu en velours noir et une veste brodée de rouge et de jaune. »« Un homme avec un bonnet pointu et une veste brodée de rouge et de jaune. »« Oui, réponds vite et ne répète pas mes questions. »« Ce matin, monsieur le curé est passé devant notre porte, sur son cheval Pierrot. »« Il m'a demandé comment papa se portait et je lui ai répondu. »« Ah, petit drôle, tu fais le malin. » « Dis-moi vite par où est passé Gianetto, car c'est lui que nous cherchons, et j'en suis certain, il a pris par ce sentier. »« Qui sait ?»« Qui sait ? C'est moi qui sais que tu l'as vu. »« Est-ce qu'on voit les passants quand on dort ? Tu ne dormais pas, vaurien. Les coups de fusil t'ont réveillé. »« Vous croyez donc, mon cousin, que vos fusils font tant de bruit ? Les scopettes de mon père en fait bien davantage. »« Que le diable te confonde, maudit garnement. Je suis bien sûr que tu as vu le Gianetto. Peut-être même l'as-tu caché. » « Allons, camarades, entrez dans cette maison et voyez si notre homme n'y est pas. » Il n'allait plus que d'une patte et il a trop bon de sens, le coquin, pour avoir cherché à gagner le maquis en clopinant. D'ailleurs, les traces de sang s'arrêtent ici. « Et que dira papa ?» demanda Fortunato en ricanant. « Que dira-t-il s'il sait qu'on est entré dans sa maison pendant qu'il était sorti ?»« Bon, rien !» dit l'adjudant Gamba en le prenant par l'oreille. « Sais-tu qu'il ne tient qu'à moi de te faire changer de note ?» Peut-être qu'en te donnant 20aine de coups de plat de sabre, tu parleras enfin. » Fortunato ricanait toujours. « Mon père est Matteo Falcone, » dit-il avec emphase. « Sais-tu bien, petit drôle, que je puis t'emmener à Corte ou à Bastia ? Je te ferai coucher dans un cachot sur la paille, les fers aux pieds, et je te ferai guillotiner si tu ne dis pas où est Gianetto San Piero. » L'enfant éclata de rire à cette ridicule menace. Il répéta « Mon père est Matteo Falcone. » « Adjudant, » dit tout bas un des voltigeurs, « ne nous brouillons pas avec Matteo. » Gamba paraissait évidemment embarrassé.

un bon coup de stylet, qui n'aurait pas eu besoin d'être répété, aurait immédiatement payé l'insulte. Cependant, Matteo ne fit pas d'autre geste que celui de porter sa main à son front comme un homme accablé. Fortunato était entré dans la maison en voyant arriver son père. Il reparut bientôt avec une jatte de lait qu'il présenta les yeux baissés à Gianetto. « Loin de moi !» lui cria le proscrit d'une voix foudroyante, puis se tournant vers un des voltigeurs. « Camarade, donne-moi à boire !» dit-il. Le soldat remit sa gourde entre ses mains, et le bandit but l'eau que lui donnait un homme avec lequel il venait d'échanger des coups de fusil. Ensuite, il demanda qu'on lui attachât les mains de manière qu'il les eût croisées sur sa poitrine, au lieu de les avoir liées derrière le dos. « J'aime, disait-il, être couché à mon aise. » On s'empressa de le satisfaire. Puis l'adjudant donna le signal du départ, dit adieu à Matteo, qui ne lui répondit pas, et descendit au pas accéléré vers la plaine. Il se passa près de 10 minutes avant que Matteo ouvrit la bouche. L'enfant regardait, d'un œil inquiet, tantôt sa mère et tantôt son père, qui, s'appuyant sur son fusil, le considérait avec une expression de colère concentrée. « Tu commences bien !» dit enfin Matteo d'une voix calme, mais effrayante pour qui connaissait l'homme. « Mon père !» s'écria l'enfant en s'avançant les larmes aux yeux comme pour se jeter à ses genoux. Mais Matteo lui cria « Arrière de moi !» Et l'enfant s'arrêta et sanglota, immobile, à quelques pas de son père. Giuseppa s'approcha. Elle venait d'apercevoir la chaîne de la montre dont un bout sortait de la chemise de Fortunato. « Qui t'a donné cette montre ?» demanda-t-elle d'un ton sévère. « Mon cousin l'adjudant. » Falcone saisit la montre, et la jetant avec force contre une pierre, il la mit en 1000 pièces. « Femme, dit-il, cet enfant a-t-il de moi ?» Les joues brunes de Giuseppa devinrent d'un rouge de brique. « Que dis-tu, Matteo ? Et sais-tu bien qui tu parles ?»« Eh bien, cet enfant est le premier de sa race qui a fait une trahison. » Les sanglots et les hoquets de Fortunato redoublèrent, et Falcone tenait ses yeux de lynx toujours attachés sur lui. Enfin, il frappa la terre de la crosse de son fusil, puis le jeta sur son épaule et reprit le chemin du maquis en criant à Fortunato de le suivre. L'enfant obéit. Giuseppa courut après Matteo et lui saisit le bras. « C'est ton fils, » lui dit-elle d'une voix tremblante en attachant ses yeux noirs sur ceux de son mari, comme pour lire ce qui se passait dans son âme. « Laisse-moi, » répondit Matteo, « je suis son père. » Giuseppa embrassa son fils et entra en pleurant dans sa cabane. Elle se jeta à genoux devant une image de la Vierge et pria avec ferveur. Cependant, Falcone marcha quelques 200 pas dans le sentier et ne s'arrêta que dans un petit ravin où il descendit. Il sonda la terre avec la crosse de son fusil et la trouva molle et facile à creuser. L'endroit lui parut convenable pour son dessein. « Fortunato, va auprès de cette grosse pierre. » L'enfant fit ce qu'il lui commandait, puis il s'agenouilla. « Dis tes prières. » « mon père, ne me tuez pas. »« Dis tes prières, » répéta Matteo d'une voix terrible. L'enfant, tout en balbutiant et en sanglotant, récita le pater et le credo. Le père, d'une voix forte, répondait « Amen » à la fin de chaque prière. « Sont-ce là toutes les prières que tu sais ?»« Mon père, je sais encore l'Ave Maria et la litanie que ma tante m'a apprise. » « Elle est bien longue, n'importe. » L'enfant acheva la litanie d'une voix éteinte. « As-tu fini ?»« Oh, mon père, grâce, pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Je prierai tant mon cousin le caporale qu'on fera grâce au Gianetto. » Il parlait encore. Matteo avait armé son fusil et le couché en joue en lui disant « Que Dieu te pardonne !» L'enfant fit un effort désespéré pour se relever et embrasser les genoux de son père. Mais il n'en eut pas le temps. Matteo fit feu, et Fortunato tomba roide mort. Sans jeter un coup d'œil sur le cadavre, Matteo reprit le chemin de sa maison pour aller chercher une bêche afin d'enterrer son fils. Il avait fait à peine quelques pas qu'il rencontra Giuseppa, qui accourait, alarmée du coup de feu. « Qu'as-tu fait ? » s'écria-t-elle. « Justice ! Où est-il ? Dans le ravin, je vais l'enterrer. Il est mort en chrétien, je lui ferai chanter une messe. Que l'on dise à mon gendre Teodoro Bianchi qu'il vienne demeurer avec nous ? » Ainsi s'achève Matteo Falcone de Prosper Mérimée.